Maïno Média, l'écran studio. PDG Piusu, RTGA, John Omanga. Iolele, bena kasaye. Iolele, itwadi konga. Iolele, bena kasaye. Iolele, itwadi konga. Kwabala matabulu kamo kasaye. Iolele, itwadi konga. Kwabala matabulu kamo kasaye. Iolele, itwadi konga. Papa, ni ma maman, Benelunda. Lundi Thérèse, pourquoi Kassan? Je voulais ma mouille, la donne. Je voulais ma mouille, tu es ma mouille, ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, tu es ma mouille, bienvenue président Oh, yeah. ayebe malembe